Pequeno il met jamais le casque. Pequeno il fait toujours le corps. Cette étoile il se fait oublier sous le pont. Pequeno se croit dans San Andreas. Pequeno il met jamais le casque. Pequeno il fait toujours le corps. Cette étoile il se fait oublier sous le pont. Pequeno se croit dans San Andreas. Pequeno il a des sous. Pequeno en a marre de tout. Pequeno il fume trop. Pequeno il a plus de souffle. Pequeno il vient de faire des sous. Pequeno se sort un scout. Il fait TP sur la route. À cause de sa maman elle boude. Pequeno il est amoureux. Quand elle le quitte il se bourre. Il reste dehors toute la nuit. Il rentre quand il fait jour. Ta Pequeno elle sait tout. Elle fera le parleur du coup. Quand elle fera le poteau, tu trouveras le shit dans ses dessous. Trop de mauvaises fréquentations pour lui interdire de finir maçon dans cette nation. Ouais, faut les liens sont. Il calcule pas les PDH. Ouais, Pequeno, il se croit pas dans GTA. Ouais, Pequeno. Pequeno. Oh, Pequeno. Oh, Pequeno. L'anglais, c'est sa passion. Il traite ses cleans comme des patients. Tu serais un mauvais garçon. Dis la conseillère d'orientation. Sous le pont, Pequeno se croit dans San Andreas. Pequeno, calcule pas les BDH. Pequeno, il se croit un peu dans GTA. Ouais, Pequeno, Pequeno.